sans stress. Les plaies toujours ouvertes. Au mic, je me vide. J'ai pas l'impression de parler à vide. Je tiens à la ville, fric est une de nos premières envies. On en veut tous, si nos aveux touchent, bâtard. Je m'en fous pas mal, c'est tes aveux que je tousse. Crie mon style, pas là pour te passer la pommade. Je crame le style, c'est le chir, type banal à la pommade. Préviens le département, c'est Beretta pour l'impact. Faut que ça tourne et que ça fasse du bruit. J'rappe à m'éclater les cordes vocales, à éclater des cervicales. Sous pression, serre-moi une pression avant que mon cerveau cale. J'cale mon discours, simple constat, ça retourne. Le vice court, les rules, filigrane en graine. Le vice tourne et qui se tourmale. L'impression de parler de ma. Une chaîne puis son mic, semble pas être un événement. On a grandi dans les combats, j'reste fidèle, j'castro. Anguilla comme à Cuba, on pèse les fidèles Castro. Et nous prend pas pour des castres, en bref, on passe du troc au deal. On crame les soirées comme on a cramé le crocodile. On reste fiers de notre zig de voyou. Mais faudrait pas que tu nous prennes pour des fumeurs de cailloux. J'suis là pour faire péter le thermomètre, prendre le fric et dire la ferme au maître. Braquer le rap avec mon Beretta. Dans mon cerveau c'est comme dans les prisons de Bogota. J'emmène le show business et tout le Bogota. Tu veux comprendre, zig de voyou, faudrait que tu voyes où on réside. Des consommés qu'on a consommé de la résine. Quand l'affaire résonne, résigner tes limites des zones. La raison, c'est des limites à ceux qui nous désignent. Les signes comme des scènes, c'est ce que la carence décerne. Plus qu'une apparence décerne, sous les yeux les verses dessinent. Le futur qu'on se dessine, pas souvent réel. On passe notre temps à cramer des scènes, nique les faux mécènes. Mets le son au taquet, j'ai pas fini de papoter. Si je viens mettre le paquet, c'est pour te faire capoter. Je donne ça lyricalement. C'est de la zig de voyou qui s'écoute seulement sous calmant. Tu connais le slogan. Je veux que le rap devienne mon gagne-pain également. J'ai trop envie de donner le temps. Car dans le fond, on finit de maîtriser nos familles. C'est plus comme dans le temps. Voleur leurs enfants, voir ce que les flics en font. Des grands fans de Montana. Je monte à la zone, je te rends fou. Nique la misère, faut que les caisses renflouent. Une bonne vision sous la visière, pourtant là j'en renfloue. Mais qu'est-ce que tu veux appartenir? Sous la pression, à l'aide mes partenaires. Appartenir à la nouvelle oppression. Avant que je partenaire à vie, faut que j'en ai pas de bezef. Dans ce milieu, on veut tous rentrer passif. Agressif au mic, je pense pas que ce soit abusif. On cherche la providence. Quitte à se faire du profit dans sur le son de squad. Ça prend des voiles de confidence. Trop de confidence, pays trop de sourcils. C'est sursis. J'avais des rois, ma vie serait moins endurcie. Ce qu'on endurcit, ce qu'on appelle la routine. En fait, tu veux de la race, je t'envoie de la race. Même si certains croient qu'on est toujours en train de nas. BE2RETA, pire que le TA. Bref, c'est violent, délire bio-violent. C'est hard de volant, c'est pas les schnecks, mais les lois que nous violons. J'aime le risque et l'extrême, j'trim, j'fume, j'bois, j'traîne. La sono, j'crame. Wesh, tu veux tenir les rênes, y'a personne qui règne. Mon rap te freine, faut que tu saches qu'ici y'a que la haine qui règne. Nique les magistrats, nique la magie des strass, nique la jet et celui qui se dit le magistral. Zig de voyous, faudrait que tu voyes où on réside. Des consommés qu'on a consommé de la résine. Quand l'affaire résonne, résigner des limites des zones. La raison, c'est des limites à ceux qui nous désignent. Les signes comme des scènes, c'est ce que la carence décerne. Plus qu'une apparence décerne, sous les yeux les verses dessinent. Le futur qu'on se dessine, pas souvent réel. On passe notre temps à cramer des scènes. Nique les faux mécènes. Yeah. Nique le boycott. Voilà pour faire les vendus. Rappel plaisir aux ennemis. 1327, 1330, Beretta mon pote.